David Kolo, Finny Hixi, Leroy Casey, Slide Mike Buddha, Sir Samuel, Spectre, Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'outer? T'es doux, maman douté, bienvenue. Tant qu'on sait que t'es doux, si t'en doutes, bouge. Rejoindre les faux MC du moment. Les gars que t'entends crier, maman, maman, c'est qu'on rap d'ici au moment. Qu'importe le couplet, couplet. C'est des Gaza qui m'ont flow par accouplé. Des MC pour devoir s'accoupler. J'crois qu'on nous déteste. Ceux qu'on pas écouté, ils se détestent. Quand ils veulent, on peut passer des tests. C'est le science ou pas sur ce coup-là, pas comique. Pas comique. Frappe au mic, grand coup de patate atomique. C'est les gars qui s'imposent comme chaque il prévient les alcooliques. J'en deviens mélancolique, regarde même tes acolytes, on attrape la colique. Maintenant que t'es dead, pas la peine de pomper notre style. Ça fait des heures que t'écoute, mais nos vibes sont trop originales. Désolé, si je te vexe, fallait que je te le dise, vois que t'as du mal. On n'est pas dans la même peinture, on n'a pas le même style au final. MC's out there, you better stand clear. World science super on the world premiere. MC's out there, you better stand clear. World science super on the world premiere. C'est qui? B-U-D-D-A-H. C'est qui? Le M-A-H-A-D-M-A-H-O-A. Chef, c'est l'M-C-S-T-R-E-C-H. Des versants, t'es du K-E-T-C-H. Up, no sketch. Boulevard, avenue. Now we're down in the street. Du Sayan, c'est l'avenue. A, B, C, D, E, F, G, H. Le ménopé musical. Watch. Hey, écoute. Ici, Asika. Amène tous tes flots, t'es le stérime et tes tonnes de gars. Hey, si tu gasses toujours, mon nom c'est El Specta. Alias, Monsieur Noir, t'étais comme Style Douglas. Si tu cherches absolument à me trouver, viens le soir tard, très tard dans le bloc, dans un coin de bagneux. Là, là où les chiens du bloc ne rêvent que de darkness. So why you only gonna do that? C'est le darkness. Well, well, Samuel, Samsael, m'amène. Immolé plus vite qu'à Imola. Les malins ne me restent qu'à m'immoler pour ces mal-aimés. Mes mots amers ramènent. Les pouces mini. Style, ma team mimi. Ils se démènent en vain au mic. J'ai mis moi-même les mots molis. Malade Ali, dès qu'ils puissent m'égaler. Mes galons me larguent une méga longue autonomie. En kimono ou en monokini, ils galopent. Égare au momkini, en lacoste ou en carlkini. Hey ho, faut que le flow tabasse comme du tabasco. Vise de l'eau, évite le fiasco. Faut que ça soit hardcore. Oui. Sans que ça soit trop lasca. Tout cela me lasca. Ils tiennent le score. Que si derrière tu tiennes leur escorte. Pour plus sombre que les grottes de Lasco. Ce sont des MC bidons. Racaille qui raquette pour des tennis. Avec des raquettes de tennis. Guidons les frères. Montrons qu'on a tous des pénis. Tous des pénis. Tous des pénis. Tous des pénis. Tous des pénis. Des pénis.